Section 14 de Famille sans nom par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 2, chapitre 1, Premières escarmouches. L'affaire de la ferme de Chipogan avait eu un retentissement considérable. Du comté de la Prairie, il s'était rapidement propagé à travers les provinces canadiennes. L'opinion publique n'aurait pu trouver une occasion plus favorable pour se manifester. Il ne s'agissait pas uniquement d'une collision entre la police et les habitants des campagnes, collision dans laquelle les agents de l'autorité et les volontaires royaux avaient eu le dessous. Ce qui était plus grave, c'était la circonstance qui avait motivé l'envoi d'une escouade à Chipogan. Jean sans nom venait de reparaître dans le pays. Le ministre Gilbert Argall, avisé de sa présence à la ferme, avait voulu l'y faire arrêter. L'arrestation ayant échoué, le personnage dans lequel s'incarnait la revendication nationale était libre, et l'on pressentait qu'il serait prochainement faire usage de sa liberté. Où Jean sans nom s'était-il réfugié, après avoir quitté Chipogan? Les plus actives, les plus minutieuses, les plus sévères recherches n'avaient pu révéler le lieu de sa retraite. Rip, cependant, bien que très désappointé de l'insuccès de ses démarches, ne désespérait pas de prendre sa revanche. En dehors de l'intérêt personnel, l'honneur de sa maison était en jeu. Il jouerait la partie jusqu'à ce qu'il l'eût gagnée. Le gouvernement savait à quoi s'en tenir là-dessus. Il ne lui avait ni retiré sa confiance, ni épargné ses encouragements. Maintenant, Rip connaissait le jeune patriote pour s'être retrouvé face à face avec lui. Ce ne serait plus en aveugle qu'il se mettrait à sa poursuite. Depuis le coup manqué de Chipogan, 15 jours, du 7 au 23, s'étaient écoulés. La dernière semaine d'octobre venait de s'achever, et Rip, quoi qu'il eût fait, n'avait encore obtenu aucun résultat. Voici d'ailleurs ce qui s'était passé après les incidents dont la ferme avait été le théâtre. Dès le lendemain, Thomas Archer s'était vu dans l'obligation d'abandonner Chipogan. Après avoir autant que possible mis ordre à ses affaires les plus pressantes, il s'était jeté, avec ses fils aînés, à travers les forêts du comté de la Prairie. Après avoir franchi la frontière américaine, il s'était réfugié dans un des villages limitrophes, impatient de voir la tournure que prendraient les événements. Saint-Alban, sur les bords du lac Champlain, lui offrait toute sécurité. Les agents de Gilbert Argall ne pouvaient l'y atteindre. Si le mouvement national, préparé par Jean sans nom, réussissait, si le Canada, recouvrant son autonomie, échappait à l'oppression anglo-saxonne, Thomas Archer reviendrait tranquillement à Chipogan. Si ce mouvement échouait, au contraire, il y avait lieu d'espérer que l'oubli se ferait avec le temps. Sans doute, une amnistie viendrait couvrir les actes du passé, et les choses reprendraient peu à peu leur ancien cours. En tout cas, une maîtresse femme était restée à la ferme. Pendant la saison d'hiver, qui suspendait les travaux agricoles, les intérêts de M. de Vaudreuil n'auraient point à souffrir sous la direction de Catherine Archer. De leur côté, Pierre et ses frères ne laisseraient pas d'exercer le métier de chasseur sur les territoires voisins de la colonie canadienne. Dans 6 mois, très probablement, rien ne les empêcherait de recommencer leur campagne de pêche entre les deux rives du Saint-Laurent. Thomas Archer n'avait eu que trop raison de se mettre en lieu sûr. Dans les 24 heures, Chipogan avait été occupé militairement par un détachement de réguliers venu de Montréal. Catherine Archer, n'ayant plus rien à craindre pour son mari et ses fils aînés plus directement compromis dans l'affaire, fit bonne contenance. En somme, la police, maintenue par le gouverneur général dans un habile système d'indulgence, n'exerça aucune représailles contre elle. L'énergique femme sut faire respecter des garnisaires, elle et les siens. Il en fut de la ville à Montcalm comme de la ferme de Chipogan. Les autorités la surveillèrent, sans l'occuper toutefois. Aussi, M. de Vaudreuil, convaincu d'avoir pris fait et cause pour le jeune proscrit, s'était-il bien gardé de retourner dans son habitation de l'île Jésus. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui par le ministre Gilbert Argall. S'il n'eût pris la fuite, on l'eût incarné à la prison de Montréal, et il n'aurait pu venir prendre place dans les rangs de l'insurrection. Où alla-t-il chercher refuge? Chez un de ses amis politiques, sans doute. En tout cas, Il s'y rendit très secrètement, car il fut impossible de découvrir la maison qui lui donnait asile. Seule, Clary de Vaudreuil revint à la villa Montcalm. De là, elle resta en communication avec messieurs Vincent Hodge, Farran, Claire et Gramont. Quant à Jean sans nom, elle savait que c'était chez sa mère, à Saint-Charles, qu'il avait dû se mettre en sûreté. D'ailleurs, à diverses reprises, par des mains amies, elle reçut plusieurs lettres de lui, et si Jean ne l'entretenait que de la situation politique, elle sentait bien qu'un autre sentiment troublait le cœur du jeune patriote. Il reste maintenant à dire ce qu'était devenu Maître Nick et son clerc. On n'a pas oublié la part que les Hurons avaient prise à l'affaire de Chipogan. Sans leur intervention, les volontaires n'eussent point été repoussés et Jean sans nom fut tombé au pouvoir des agents de Rip. Or, cette intervention des Mahogany, qui l'avait provoquée? Était-ce le pacifique notaire de Montréal? Non, certainement. Au contraire, tous ses efforts n'avaient tendu qu'à empêcher l'effusion du sang. Il ne s'était jeté dans la mêlée que pour retenir les deux parties. À cet instant, si les guerriers de Walata s'étaient mêlés à la lutte, c'était uniquement parce que Nicolas Sagamore, empoigné par les assaillants, risquait d'être traité comme un rebelle. Quoi de plus naturel, dès lors, que les guerriers indiens eussent voulu défendre leur chef. Cela, il est vrai, avait amené la reculade, puis la dispersion de la troupe, au moment où elle allait forcer les portes de l'habitation. De là, à rendre Maître Nick responsable de ce dénouement, il n'y avait qu'un pas, et Maître Nick dut craindre, non sans raison, que ce pas fût franchi au détriment de sa propre personne. Il s'ensuit donc que le digne notaire avait lieu de se croire très gravement compromis à propos d'une simple bagarre d'arrestation qui ne le regardait pas. Aussi, ne se souciant point de revenir à son office de Montréal avant que l'apaisement n'eût été fait sur cet échafouré, se laissa-t-il entraîner sans peine au village de Walata, dans le wigwam de ses ancêtres. L'étude serait donc fermée pendant un laps de temps dont il était impossible d'apprécier la durée. La clientèle en souffrirait. La vieille Dolly serait au désespoir, mais qu'y faire? Mieux valait encore être Nicolas Sagamore, au milieu de sa tribu mahoganienne, que Maître Nick, détenu à la prison de Montréal, sous l'inculpation de rébellion envers les agents de la force publique. Lionel, cela va sans dire, avait suivi son patron au fond de ce village indien, perdu sous les épaisses forêts du comté de la Prairie. Lui, d'ailleurs, s'était bel et bien battu contre les volontaires, et n'aurait pu échapper au châtiment. Toutefois, si Maître Nick se lamentait in petto, Lionel s'applaudissait de la tournure que l'affaire avait prise. Il ne regrettait point d'avoir défendu Jean sans nom, le héros acclamé des populations franco-canadiennes. Il espérait même que les choses n'en resteraient pas là et que les Indiens se déclareraient en faveur des insurgés. Maître Nick n'était plus Maître Nick. C'était un chef de Huron. Lionel n'était plus son second clerc. C'était le bras droit du dernier des Sagamores. Pourtant, il était à craindre que le gouverneur général ne voulût châtier les Mahogany, coupables d'être intervenus à Chipogan. Mais la prudence imposa à Lord Gosford une réserve que justifiaient les circonstances. Des représailles eussent peut-être fourni au peuple indigène une occasion de venir en aide à leurs frères, de se soulever en masse, complication redoutable dans les conjectures actuelles. Pour cette raison, Lord Gosford jugea sage de ne point poursuivre les guerriers Walata, non plus que le nouveau chef, appelé à leur tête, par les droits de lignée. Maître Nick ni Lionel ne furent point inquiétés dans leur retraite. Du reste, Lord Gosford suivait avec une extrême attention les menées des réformistes, qui continuaient d'agiter les paroisses du Haut et du Bas-Canada. Le district de Montréal était plus spécialement soumis à la vigilance de la police. On s'attendait à un mouvement insurrectionnel des paroisses voisines du Richelieu. Les mesures furent prises pour l'enrayer dès le début, s'il était impossible de le prévenir. Les soldats de l'armée royale, dont Sir John Colborne avait pu disposer, venaient d'établir leur cantonnement sur les territoires du comté de Montréal et des comtés auxquels ils confinaient. Les partisans de la réforme n'ignoraient donc point que la lutte serait difficile à soutenir. Cela n'était pas pour les arrêter. La cause nationale, pensait-il, entraînerait la foule entière des Franco-Canadiens. Ceux-ci n'attendait qu'un signal pour courir aux armes depuis que l'affaire de Shippogan avait révélé la présence de gens sans nom. Si le populaire agitateur ne l'avait pas donné, c'est que les décisions antilibérales, auxquelles il prévoyait que le cabinet britannique s'abandonnerait, ne s'étaient pas produites jusqu'alors. Jusque-là, du fond de cette mystérieuse maison close où il avait rejoint sa mère, Jean ne cessait d'observer attentivement l'état des esprits. Durant les 6 semaines qui s'étaient écoulées depuis son arrivée à Saint-Charles, l'abbé John était venu nuitamment lui rendre plusieurs fois visite. Par son frère, Jean avait été tenu au courant des éventualités politiques. Ce qu'il espérait des tendances oppressives des chambres anglaises, c'est-à-dire la suspension de la Constitution de 1791, puis la dissolution ou la prorogation de l'Assemblée canadienne qui devait en résulter, n'était qu'en projet. Aussi, dans son ardeur, Jean avait-il été 20 fois sur le point de quitter Maison Close pour se jeter ostensiblement à travers le comté, pour appeler à lui des patriotes, avec l'espérance que la population des villes et des campagnes se lèverait à sa voix, que tous feraient bon usage des armes dont il avait pourvu les centres réformistes lors de sa dernière période de pêche sur le Saint-Laurent. Peut-être, dès le début, les loyalistes seraient-ils accablés sous le nombre, ce qui ne laisserait aux autorités d'autre alternative que de se soumettre. Mais l'abbé John l'avait détourné de ce dessein, lui montrant qu'un premier échec serait désastreux, qu'il entraînerait l'anéantissement de toutes les chances à venir. Et, en effet, les troupes, réunies autour de Montréal, étaient prêtes à se porter sur n'importe quel point des comtés limitrophes où la rébellion éclaterait. Il convenait donc d'agir avec une extrême circonspection, et mieux valait attendre que l'exaspération publique fût portée au comble par les mesures tyranniques du Parlement et les exactions des agents de la Couronne. De là ces retards qui se prolongeaient indéfiniment à l'extrême impatience des fils de la liberté. Lorsque Jean s'était enfui de Shippogan, il comptait bien que le mois d'octobre ne s'écoulerait pas avant qu'une insurrection générale eût soulevé le Canada. Or, au 23 octobre, rien n'indiquait encore que ce mouvement fût prochain, lorsque l'occasion, prévue par Jean, provoqua une première manifestation. Sur le rapport des 3 commissaires, nouvellement désignés par le gouvernement anglais, la Chambre des Lords et la Chambre des communes s'étaient hâtées d'adopter les propositions suivantes. Emploi des deniers publics sans l'autorisation de l'Assemblée canadienne. Mise en accusation des principaux députés réformistes. Modification de la Constitution en exigeant de l'électeur français un sens double du sens de l'électeur anglais. Irresponsabilité des ministres devant les chambres. Ces mesures injustes et violentes troublèrent le pays tout entier. Il y eut révolte des sentiments patriotiques de la race franco-canadienne. C'était là plus que les citoyens n'en pouvaient supporter, et les paroisses des 2 rives du Saint-Laurent accoururent aux meetings. Le 15 septembre, à La Prairie, se tient une assemblée à laquelle assiste le délégué de France, qui avait reçu à cet égard des ordres du gouvernement français et le chargé d'affaires des États-Unis à Québec. À Sainte-Scolastique, à Saint-Ours, principalement dans les comtés du Bas-Canada, on demande la rupture immédiate avec la Grande-Bretagne. On provoque les réformistes à passer des paroles aux actes. On décide de faire appel au concours des Américains. Une caisse est fondée pour recueillir les plus minimes comme les plus généreuses cotisations afin de soutenir la cause populaire. Des cortèges défilent, bannières hautes, avec ces devises qui sont acclamées. Fuyez, tyrans, le peuple se réveille. Union des peuples, terreur des grands. Plutôt une lutte sanglante que l'oppression d'un pouvoir corrompu. Un pavillon noir, sur lequel se dessine une tête de mort avec 2 os en croix, dénonce les noms de ses gouverneurs détestés. Craig, Dalhousie, Aylmer, Gosford. Enfin, à l'honneur de l'ancienne France, un pavillon blanc porte d'un côté l'aigle américain, environné d'étoiles, de l'autre, l'aigle canadien, tenant dans son bec une branche d'érable avec ces mots. Notre avenir, libre comme l'air. On voit à quel degré s'élève la surexcitation des esprits. L'Angleterre peut craindre que la colonie brise d'un seul coup le lien qui la rattache à elle. Les représentants de son autorité au Canada prennent d'importantes mesures en prévision d'une lutte suprême, tout en ne voulant voir que les mener d'une faction là où il s'agit d'un élan national. 23 octobre, une assemblée se réunit à Saint-Charles. cette même bourgade où Jean sans nom s'était réfugié chez sa mère et qui allait devenir le théâtre d'événements tristement célèbres. Les 6 comtés de Richelieu, de Saint-Hyacinthe, de Rouville, de Chambly, de Verchères, de l'Acadie, ont envoyé leurs représentants. 13 députés doivent y prendre la parole, et parmi eux, Papineau, alors au point culminant de sa popularité. Plus de 6 000 personnes, hommes, femmes, enfants, accourus de 10 lieues à la ronde, sont campés dans une vaste prairie appartenant au docteur Duvert, autour d'une colonne surmontée du bonnet de la liberté. Et pour qu'il fût bien compris que l'élément militaire faisait cause commune avec l'élément civil, une compagnie de miliciens agite ses armes au pied de cette colonne. Papineau prononce un discours, après quelques autres orateurs plus fougueux que lui, et peut-être parut-il trop modéré en conseillant de se maintenir sur le terrain de l'agitation constitutionnelle. Aussi, le docteur Nelson, président de l'Assemblée, lui répond-il au milieu d'acclamations frénétiques, disant que le temps était arrivé de fondre les cuillères pour en faire des balles, ce que le docteur Cote, représentant de l'Acadie, accentue par ses énergiques et excitantes paroles. Le temps des discours est passé, c'est du plomb qu'il faut envoyer à nos ennemis. Maintenant, 13 propositions sont alors adoptées, tandis que les hurrahs se mêlent aux salves de la mousqueterie milicienne. Ces propositions, telles que les résume M. O. David dans sa brochure « Les Patriotes », commençant par une affirmation des droits de l'homme, établissent le droit et la nécessité de résister à un gouvernement tyrannique, engagent les soldats anglais à déserter l'armée royale, encouragent le peuple à refuser d'obéir aux magistrats et aux officiers de milice nommés par le gouvernement, puis à s'organiser comme les fils de la liberté. Enfin, Papineau et ses collègues défilent devant la colonne symbolique, pendant qu'un hymne est lancé à toute voix par un chœur de jeunes gens. Il semblait, en ce moment, que l'enthousiasme n'aurait pu aller au-delà. Et cela arriva, cependant, après quelques instants de silence, lorsqu'apparut un nouveau personnage. C'est un jeune homme, au regard passionné, à la figure ardente. Il se hisse sur le socle de la colonne, et, dominant les milliers de spectateurs rassemblés au meeting de Saint-Charles, sa main agite le drapeau de l'indépendance canadienne. Plusieurs le reconnaissent, mais avant eux, l'avocat Gramont a jeté son nom, et la foule le répète au milieu des hurrahs. « Jean sans nom! Jean sans nom !» Jean venait de quitter Maison Close. Pour la première fois depuis la prise d'armes en 1835, il se montrait publiquement. Puis, après avoir joint son nom à celui des protestataires, il disparaissait. Mais on l'avait revu, et l'effet fut immense. Ces divers incidents, qui s'étaient produits à Saint-Charles, furent aussitôt connus du Canada tout entier. On ne saurait imaginer l'élan qu'ils produisirent. D'autres meetings se tinrent dans la plupart des paroisses du district. En vain, l'évêque de Montréal, Monseigneur Lartigue, essaya-t-il de calmer les esprits par un mandement empreint de modération évangélique. L'explosion était prochaine. Monsieur de Vaudreuil, dans sa retraite, Clary, à la Villa Montcalm, en était avisé par 2 billets dont il connaissait bien l'écriture. Même information arrivait à Thomas Archer et à ses fils, réunis à Saint-Alban, ce village américain d'où ils se tenaient prêts à franchir la frontière. À cette époque de l'année, l'hiver s'était déjà annoncé avec cette brusquerie particulière au climat du Nord-Amérique. Là, les longues plaines n'offrent aucun obstacle aux rafales venues des régions polaires, et le Gulf Stream, en s'écartant vers l'Europe, ne les réchauffe pas de ses eaux généreuses. Il n'y avait pas eu de transition, pour ainsi dire, entre les chaleurs de l'été et les froids de la période hivernale. La pluie tombait presque sans répit, traversée parfois d'un fugitif rayon de soleil dépourvu de caloriques. En quelques jours, les arbres, dépouillés jusqu'à l'extrémité de leurs branches, avaient inondé la terre d'une averse de feuilles que la neige allait bientôt recouvrir sous toute l'étendue du territoire canadien. Mais ni les assauts de la bourrasque, ni la rude température de ce climat ne devaient empêcher les patriotes de se lever au premier signal. C'est en ces conditions, le 6 novembre, qu'une collision mit les deux parties aux prises à Montréal. Le premier lundi de chaque mois, les Fils de la Liberté se rassemblent dans les grandes villes pour faire une démonstration publique. Ce jour-là, les patriotes de Montréal voulurent que cette démonstration eût un retentissement considérable. Rendez-vous fut convenu, au cœur même de la cité, entre les murs d'une cour attenant à la rue Saint-Jacques. À cette nouvelle, les membres du Doric Club firent placarder une proclamation disant que l'heure était venue d'écraser la rébellion à sa naissance. Les loyalistes, les constitutionnels, les bureaucrates étaient invités à se concentrer sur la place d'armes. La réunion populaire se tint au jour et à l'endroit indiqué. Papineau s'y fit chaleureusement applaudir. D'autres orateurs, et parmi eux Brown, Guimet, Édouard Rodier, provoquèrent d'enthousiastes acclamations. Soudain, une grêle de pierres assaillit la cour. C'étaient les loyalistes qui attaquaient les patriotes. Ceux-ci, armés de bâtons, se formèrent en quatre colonnes, s'élancèrent au dehors, se jetèrent sur les membres du Doric Club, les ramenèrent vivement jusqu'à la place d'armes. Alors, des coups de pistolet éclatèrent de part et d'autre. Brown reçut un choc violent qui l'étendit à terre, et l'un des plus déterminés réformistes, le chevalier de Lorimier, eut la cuisse traversée d'une balle. Cependant, les membres du Doric Club, bien qu'ils eussent été repoussés, ne s'étaient pas tenus pour battus. Aux applaudissements des bureaucrates, sachant que les habits rouges allaient leur venir en aide, ils se dispersèrent à travers les rues de Montréal, brisèrent à coups de pied les fenêtres de la maison de Papineau, saccagèrent les presses du Vindicator, feu libéral qui combattait depuis longtemps pour la cause franco-canadienne. À la suite de cette échauffourée, les patriotes furent traqués avec acharnement. Des mandats d'arrestation, lancés par ordre de Lord Gosford, obligèrent les principaux chefs à prendre la fuite. Toutes les maisons, d'ailleurs, s'ouvrirent pour leur offrir refuge. Monsieur de Vaudreuil, qui avait donné de sa personne, dut regagner le secret asile où la police l'avait cherché vainement depuis l'affaire de Chipogan. Il en fut de même pour Jean sans nom, qui reparut bientôt dans les circonstances suivantes. Après la sanglante manifestation du 6 novembre, quelques notables citoyens avaient été arrêtés aux environs de Montréal, entre autres M. Demarais et le docteur d'Avignon, de Saint-Jean-d'Iberville, qu'un détachement de cavalerie se disposait à ramener dans la journée du 22 novembre. L'un des plus hardis partisans de la cause nationale, le représentant du comté de Chambly, L.M. Vigée, le beau Vigée, comme on l'appelait dans les rangs de l'insurrection, fut averti de l'arrestation de ses deux amis. L'homme qui vint l'en prévenir lui était encore inconnu. « Qui êtes-vous ? » lui demanda-t-il. « Peu importe, » répondit cet homme. « Les prisonniers, enchaînés dans une voiture, ne tarderont pas à traverser la paroisse de Longueuil, et il faut les délivrer. « Êtes-vous seul ? » ?»« Mes amis m'attendent. » »« Où les rejoindrons-nous ? » Sur la route. Je vous suis. » Et c'est ce qui fut fait. Les partisans ne manquèrent ni à Vigée, ni à son compagnon. Ils arrivèrent à l'entrée de Longueuil, suivis d'une foule de patriotes qu'ils postèrent en avant du village. Mais l'alerte avait été donnée, et un détachement de royaux accourut pour prêter main forte aux cavaliers qui escortaient la voiture. Leur chef avertit les habitants que, s'ils se joignaient à Vigée, leur village serait livré aux flammes. « Rien à faire ici, » dit l'inconnu, lorsque ces menaces lui eurent été rapportées. « Venez. »« Où ?» demanda Vigée. « À 2 milles de Longueuil, » répondit-il. « Ne donnons pas aux bureaucrates un prétexte pour se livrer à des représailles. Elles ne viendront que trop tôt peut-être. »« Partons, » dit Vigée. Tous deux reprirent la route à travers champs, suivis de leurs hommes. Ils atteignirent la ferme Trudeau et se placèrent dans un champ voisin. Il était temps. Un nuage de poussière se levait à un quart de mille, annonçant l'approche des prisonniers et de leur escorte. La voiture arriva. Aussitôt, Vigée, s'avançant vers le chef du détachement, « Halte !» lui dit-il, « et livrez-nous les prisonniers, au nom du peuple !»« Attention !» cria l'officier en se retournant vers ses hommes. « Faites vite !»« Halte !» répéta l'inconnu. Soudain, un homme s'élança pour l'appréhender. C'était un agent de la maison Rip & Co., un de ceux qui se trouvaient à la ferme de Chipogan. « Jean sans nom !» s'écria-t-il, dès qu'il se vit en face du jeune proscrit. « Jean sans nom !» répéta Vigée, qui s'élança vers son compagnon. Et aussitôt, avec un entrain irrésistible, les cris d'enthousiasme retentirent. Au moment où il donnait l'ordre à ses hommes de s'emparer de Jean sans nom, l'officier fut renversé par un vigoureux Canadien qui s'était jeté hors du champ tandis que les autres, rangés derrière la clôture, attendaient les ordres de Vigée, ordre que celui-ci multipliait d'une voix retentissante, comme s'il eût pu disposer d'une centaine de combattants. Pendant ce temps, Jean avait rejoint la voiture, entouré de quelques-uns de ses partisans, aussi décidé à le défendre qu'à délivrer messieurs Desmarets et d'Avignon. Mais, après s'être relevé, l'officier venait de commander le feu. 6 à 7 coups de fusil éclatèrent. Vigée fut frappé de 2 balles, non mortellement, l'une lui ayant effleuré la jambe, l'autre enlevé le bout du petit doigt. Il riposta d'un coup de pistolet et atteignit au genou le chef de l'escorte. Alors, la panique se mit parmi les chevaliers détachement, dont plusieurs avaient été atteints par les balles qui s'emportèrent. Les royaux, croyant avoir affaire à 1 millier d'hommes, se dispersèrent à travers la campagne. La voiture restée libre, Jean Sans-Nom et Vigée se précipitèrent aux portières qu'ils ouvrirent. Les prisonniers furent délivrés et emmenés triomphalement jusqu'au village de Boucherville. Mais, après l'affaire, lorsque Vigée et les autres cherchèrent Jean Sans-Nom, il n'était plus là. Sans doute, il avait espéré garder l'incognito jusqu'à l'issue de cette rencontre, et rien, en effet, n'aurait pu lui faire supposer qu'il se trouverait en présence de l'un des agents de Rip, et que sa personnalité serait révélée à ses compagnons. Aussi, dès que le combat avait pris fin, s'était-il hâté de disparaître, sans que personne eût pu voir de quel côté il se dirigeait. Toutefois, ce dont aucun patriote ne doutait maintenant, c'est qu'on le reverrait à l'heure où s'engagerait l'action qui déciderait de l'indépendance canadienne. Fin de la section 14.